Les ruines de l'antique cité de Thyatire en Asie mineure se dressent au milieu de la ville moderne d'Akhisar, à quelques 60 kilomètres au nord-est d'Izmir, autrefois Smyrne. Dans cette région, on cultivait une plante semblable à la garance, dont la racine servait à la préparation d'une teinture rouge d'un brillant jusqu'alors inégalé. La production d'étoffes teintes en pourpre et exportée dans le monde entier assura la prospérité de la petite ville. Ils étaient toujours plus nombreux, les rois, les princes et les gouverneurs qui portaient les vêtements teints en pourpre et confectionnés à Thyatire. Lorsque l'apôtre Paul se rendit pour la première fois en Europe, il rencontra, dans la ville de Philippe en Macédoine, une de ses courtières en étoffe, originaire de la ville de Thyatire. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lydie, cette femme originaire de Thyatire, a donc été la première convertie au christianisme sur territoire européen. Elle a reçu les apôtres chez elle et elle s'est fait baptiser. Peut-être est-elle retournée par la suite à Thyatire, sa ville d'origine, pour apporter à d'autres la bonne nouvelle de l'Évangile. Il se peut donc que la première convertie d'Europe soit devenue la première missionnaire partie d'Europe pour prêcher l'Évangile en Asie. À vrai dire, nous ne savons rien de certain concernant la fondation de l'église de Thyatire. Mais il est tout à fait possible que cette église ait été le fruit du témoignage de Lydie. La communauté de Thyatire a dû connaître des débuts prometteurs, puisque le Seigneur s'adresse d'abord à elle en termes élogieux. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Apocalypse 2, 19. Le fidèle service des chrétiens de Thyatire s'épanouissait en œuvres sociales toujours plus dynamiques, pratiquées avec persévérance et zèle. Le Seigneur a sans doute apprécié la ferveur et le haut niveau de consécration de ses croyants, toujours zélés pour agir et prêts à faire ce qui leur était demandé, et même au-delà. Mais l'entête de la lettre montre que rien n'échappe au regard du Fils de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Apocalypse 2, 18. Le regard du Fils de Dieu a discerné un grave interdit dans la vie spirituelle de cette église, un mal qui devait être traité à la racine. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et mangent des viandes sacrifiés aux idoles. Apocalypse 2, 20. Le Seigneur mentionne ici le nom de Jézabel, une reine qui, au 8e siècle avant Jésus-Christ, engagea le peuple d'Israël tout entier sur le chemin de la débauche et de l'idolâtrie. Sous son règne, les idoles se sont multipliées en Israël et tout le peuple s'est livré à l'adoration des divinités païennes. L'Écriture nous dit que 400 prophètes de la déesse Astarté mangeaient à la table de Jézabel. La reine Jézabel terrorisait ses sujets. Même le grand prophète Élie a fui sous sa menace. Et lorsque les magistrats de la ville de Jizréel ont reçu l'ordre de la reine de faire comparaître et d'exécuter sommairement Naboth, un homme juste qui avait refusé de céder à un caprice du roi, ces magistrats n'ont pas osé s'interposer devant le bras séculier. Ils se sont pliés aux exigences de la reine qui ordonnait la lapidation d'un homme juste. Vous lirez cette histoire en 1 Roi, chapitre 21. Si le Seigneur mentionne Jézabel en rapport avec la situation de l'église de Thyatire au 1er siècle, c'est qu'il s'était développé au sein de cette église un interdit rappelant les circonstances du règne d'Akab en Israël. Certains exégètes pensent qu'une croyante influente peut être la femme du responsable de l'église de Thyatire exerçait un pouvoir despotique sur les fidèles. Elle s'érigeait en prophétesse pour les enseigner et les détourner de la piété véritable. Peut-être les engageait-elle à participer aux sacrifices païens et à manger des viandes que l'on avait d'abord présentées aux idoles, tout en les laissant célébrer leur culte au Seigneur. Ainsi, les chrétiens participaient à la fois à la table des démons et à la table du Seigneur. Et le fait d'offrir ces sacrifices aux démons leur ouvrait la porte de la corporation des teinturiers, ce qui leur assurait sans doute d'importants avantages matériels. Or, ce compromis ne les empêchait pas de poursuivre leurs activités paroissiales et de conserver ce que l'Écriture appelle l'apparence de la piété. 2 Timothée 3:5. Comme toutes les lettres adressées aux églises d'Asie, cet épître à l'église de Thyatire se saisit d'une situation locale pour dépeindre par avance un problème de base qui affectera l'ensemble de la chrétienté à travers les siècles. Nous avons lu que cette Jézabel se disait prophétesse et qu'elle enseignait et séduisait les serviteurs de Dieu. Hélas, dans la chrétienté, l'autorité de la tradition s'est érigée comme un enseignement rival à celui de Jésus-Christ et de sa parole. Et cet enseignement a prévalu durant tout le Moyen-Âge. Il a séduit d'innombrables fidèles et leur a caché le message de la grâce de Jésus-Christ et de son œuvre expiatoire en leur faveur. De tout temps, la tradition a été un obstacle au message de Christ. Déjà au temps du Seigneur sur la terre, les chefs religieux juifs s'opposaient à la parole de Jésus-Christ au nom de leur tradition. Nous lisons, Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 8 et 13, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux Juifs. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » La tradition israélite a obscurci l'esprit des scribes et des pharisiens de telle manière qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ leur Messie. Cette tradition les a conduits à livrer le Fils de Dieu aux païens pour qu'il soit crucifié, puis à la persécution de toute l'Église chrétienne. Et depuis lors, la tradition s'est toujours élevée comme un puissant obstacle pour empêcher l'accès au message libérateur de l'Écriture sainte. C'est au nom de la tradition que l'on a parfois brûlé des exemplaires de la parole de Dieu, que l'on a dressé des bûchers pour les martyrs et que l'on a jeté d'authentiques serviteurs de Dieu en prison. Toutes les religions ont leur tradition. Même des églises soi-disant évangéliques sont capables d'échafauder une tradition qui progressivement annule le message de la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez, la tradition étouffe le message des Saintes Écritures. Pour d'innombrables croyants, dont la sincérité n'est pas mise en cause, formes liturgiques et oraisons lues ou apprises par cœur ont remplacé la méditation du texte sacré de la Bible. Or, la Bible seule peut communiquer vie, espoir et certitude à notre âme. Elle seule peut revitaliser notre entendement en nous révélant Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Il y a plus de 15 siècles déjà, Jean Chrysostome encourageait les croyants d'Antioche en ces termes « Pour devenir des chrétiens adultes, il faut acquérir une intimité avec les Écritures ». Plus de 1000 ans plus tard, le réformateur Jean Calvin renchérissait la même pensée « Le croyant mal nourri des Saintes Écritures est un infirme hébété de cœur et de raison ». Je ne connais qu'une nourriture pour rendre le peuple fort, c'est de lui donner une solide connaissance de la parole de Dieu. Il en va de même à la veille du 21e siècle. Alors que la tradition nous enlise dans une certaine torpeur de l'esprit, la parole de Dieu réveille nos consciences et touche nos cœurs. Il importe donc de lui réserver la place de prédilection dans nos journées, dans nos loisirs et aussi dans la célébration du culte que nous désirons rendre à Dieu. L'église de Thyatire a mérité les sévères reproches du Seigneur parce qu'elle avait abandonné la parole de Dieu au profit de diverses traditions qui ont ouvert la voie à un enseignement despote et erroné. Force est de constater que de nos jours, philosophies à la mode et concepts humains ont fâcheusement la tendance de remplacer le message dynamique de l'Écriture sainte. Est-ce alors étonnant que les églises et les temples se vident, alors que des foules courent écouter le dernier gourou en vedette, pensant trouver là une nourriture spirituelle qu'elles n'ont pas trouvée dans les lieux où on aurait dû prêcher l'Évangile dans son intégralité? En permettant aux traditions d'occuper progressivement la place qui revenait à la parole dynamique de Dieu, les diverses églises ont privé de vastes populations du message biblique, au point qu'aujourd'hui elles en ignorent presque totalement le contenu. C'est bien à cette parole divine que nous voulons nous référer toujours davantage, et en premier lieu lors de notre prochaine étude sur les ondes, où vous nous ferez l'honneur, chers auditeurs, de reprendre l'écoute pour nous permettre d'examiner ensemble la fin de la lettre à l'église de Thyatire. C'est donc à très bientôt. Au revoir.